si tu écoutes cette méditation, c'est que tu désires t'apaiser, bien dormir. Je t'invite à t'installer confortablement, position assise ou couchée, à ton choix. Et déjà, tu peux prendre 3 grandes respirations profondes. Tu inspires lentement et tu expires longtemps, comme si tu voulais allonger ta respiration. Je t'invite à imaginer, ressentir ou visualiser devant toi un grand escalier magique rempli de couleurs éclatantes. Tu descends cet escalier lentement en respirant profondément. Plus tu avances, plus tu perçois devant toi un paysage féerique, rempli de couleurs, un espace inimaginable. Sentir des parfums. Plus tu avances, tu vois des petits animaux qui se promènent, qui gambadent. Tu ressens la chaleur du soleil avec des rayons de toutes sortes de couleurs. Et tu avances maintenant dans un magnifique sentier. Et tu le découvres. Comment est ce sentier aujourd'hui? Est-ce que le soleil est présent partout? Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce que tu entends des sons? Est-ce que tu ressens le sol sous tes pieds? Et tu vois sur ce sentier un petit magasin général, comme si c'était une cabane magique. Tu te diriges vers la porte et quand tu entres, comme un magasin de doudous, d'oursons, de poupées magiques, partout sur les murs. toutes les doudous ont des pouvoirs différents. Tous les oursons et toutes les poupées aussi. Prends le temps de choisir l'item de ton choix. Si ta doudou ou ton ourson ou ta poupée est très haute, tu détiens tous les pouvoirs magiques pour aller le chercher. Prends le temps de choisir. De quoi as-tu besoin? De réconfort? D'amour pour remplir ton cœur? Une doudou chaude pour te rassurer, pour te réconforter, t'envelopper. Prends le temps de choisir. Prends-le dans tes bras et apporte-le au comptoir principal. Tu auras le pouvoir de faire grandir ton ourson de la grandeur que tu désires. Même chose si c'est ta poupée. Ou t'agrandir ta doudou, exactement comme tu as besoin. Si cet objet te convient et que tu le choisis, prends-le. Tu peux ressortir maintenant de la cabane magique avec ton précieux. C'est comme si ta poupée, ton ourson ou ta doudou était ton ami. Comme si tu ressentais de la vie à l'intérieur. Comme si elle t'accompagnait. Reprends un magnifique sentier qui se présente devant toi. Et tu es attiré parce qu'il y a un arbre magnifique, de toutes sortes de couleurs. C'est comme si ses feuilles étaient en pierre précieuse, en diamant, toutes les couleurs. Cet arbre-là est aussi un arbre magique. Je t'invite à te diriger jusqu'à lui. Respire profondément. Au pied de l'arbre, tu pourras t'asseoir avec ta poupée, ton ours ou ta doudou. Installez confortablement. Avec ton nouvel ami dans tes bras. Et laisse son super pouvoir entrer à l'intérieur de toi. Pendant que tu observes les couleurs magnifiques, les branches bouger, scintiller dans le vent. Laisse le réconfort, l'amour, le calme entrer partout à l'intérieur de toi. Couché sous cet arbre, tu te sens en sécurité. Tu peux même voir de petits animaux qui viennent te voir tout autour. Un petit lapin magique s'approcher pour se faire flatter. Caresser. Sentir le parfum. De fleurs, fleurs magiques. Tu peux voir des papillons incroyables, magnifiques. Et respire profondément. Tu peux marcher maintenant sous l'arbre dans une belle mousse verte, pieds nus. Tu peux ressentir ce réconfort, cette sensation d'être enveloppé. Respire profondément. Je t'invite à prendre ton ourson, ta poupée ou ta doudou. Je vais t'inviter à la déposer dans ton cœur. En fermant les yeux, et en respirant profondément, c'est comme si se transférait comme une énergie. Laisse ce réconfort, ce calme, entrer dans ton cœur. Le temps d'écouter. Ton cœur a un message pour toi. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Si tu as des soucis, des peines, prends le temps de confier tes secrets à ton cœur où habite maintenant ta poupée, ton ourson ou ta doudou. Jamais ils ne vont te quitter. Prends une grande respiration. Remercie ton cœur pour ce beau message. Puis que tu reviendras très bientôt. Et si tu désires, tu peux marcher dans la mousse longtemps. Faire de beaux rêves, c'est ce qui est bon pour toi. Ou t'éveiller pour passer une belle journée. Trouver une vitalité, une énergie. Maintenant, tu détiens tous les pouvoirs en toi. Respire profondément. Tu reviens lentement sur le chemin du retour.